Let's go! Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Le monde fait peine à voir, Comment veux-tu que je croie quand je vois le bordel, la merde autour de moi? L'humanité régresse sans cesse, le monde est dans un triste état et ça se dégrade au fur et à mesure des années. Jamais l'homme n'a manifesté une telle propension à tuer. C'est cette soif de meurtre pour des motifs raciaux ou religieux qui le pousse à s'autodétruire et rien ne peut calmer le jeu. C'est de pire en pire, mec, ça part en sucette, les gens ne sont plus nets. Trop de pédophiles, de violeurs fous foulent le sol de cette planète. La réalité a depuis longtemps dépassé la fiction. L'amour n'a plus sa place dans le monde où nous vivons. Personne n'est à l'abri, où qu'on soit, où qu'on aille, quel que soit le niveau social, la violence. Femmes et enfants sans faire de détails. On ne respecte rien, on fait la guerre, nique la nature, on fout la merde. C'est clair qu'on fera péter le monde, tôt ou tard on va tout perdre. C'est à croire que détruire, faire souffrir est propre à la nature humaine. À croire que les hommes naissent avec une putain de dose de haine dans leur gène. On me dit que Dieu veille sur mes joies, la mort frappée partout. S'il est bien là, faut qu'il se manifeste avant qu'on détruise tout. Je demande qu'à y croire, mais faut qu'il se manifeste avant qu'il soit trop tard. Je demande qu'à y croire, mais faut qu'il se manifeste, qu'il redonne de l'espoir, qu'il dissipe souffrance et tristesse. Le monde fait peine à voir, s'il existe, qu'il se manifeste, avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit trop tard. Je demande qu'à y croire, mais faut qu'il se manifeste, qu'il redonne de l'espoir, qu'il dissipe souffrance et tristesse. Le monde fait peine à voir, s'il existe, qu'il se manifeste, avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit trop tard. Rien ne va, rien ne va plus au cœur d'une génération perdue. C'est à se demander si la vie vaut la peine d'être vécue. Y'a tellement de malheur, si peu de bonheur, c'est l'horreur. Des parents violent leur propre gosse, l'homme est capable du pire, parce que du meilleur. On vit dans un monde de folie où tout est permis. Ici la vie n'a pas plus de valeur que la flamme d'une bougie. C'est grave, et de plus en plus inquiétant de jour en jour. Maintenant faut se protéger de tout, faut même se protéger pour faire l'amour. C'est la descente vers l'enfer, plus on avance, plus on s'enterre. C'est mal barré pour s'en sortir, je vois pas comment on pourrait faire. Celui c'est fil, faut qu'on se bouge avant qu'il soit trop tard. Je demande qu'à y croire, mais faut qu'il se manifeste, qu'il redonne de l'espoir, qu'il dissipe souffrance et tristesse. Le monde fait peine à voir, s'il existe, qu'il se manifeste, avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit trop tard. Je demande qu'à y croire, mais faut qu'il se manifeste, qu'il redonne de l'espoir, qu'il dissipe souffrance et tristesse. Le monde fait peine à voir, s'il existe, qu'il se manifeste, avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit trop tard. Skyrock. Passez une bonne soirée, c'est parti pour Rail Suprême comme chaque dimanche soir. Bienvenue Case. Salut Fred. Pour ce moment de rassemblement, Rail Suprême, bah voilà, toujours lutter peu importe les préjugés, a toujours été là pour défendre cette musique, cette culture aussi. Et puis on va continuer chaque dimanche soir parce que il faut surtout pas baisser les bras, faut toujours être là, toujours être présent. Exactement. Et toujours aussi avoir cet esprit positif, cet esprit musical de Rail Suprême. Et de rassemblement, bien et sûr. Et de rassemblement que tu fais maintenant depuis un peu plus d'un an sur l'antenne de Skyrock. Ça fait un peu plus d'un an, on est très content et c'est vraiment un plaisir de rassembler tous ces auditeurs autour d'une musique qu'on appelle le rail. Voilà, le rail ce soir à l'honneur encore pendant une heure. Rail Suprême avec qu'est-ce qu'il y a au programme? Des nouveautés, des classiques. Du très très très très lourd. Restez branchés, voilà, il y aura de la nouveauté, il y aura des classiques, ça va être mixé, ambiancé, une vraie ambiance de fête et de rassemblement. Et ben on y va, coup d'envoi de ce Rail Suprême avec DJ Case au contrôle, c'est parti. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Suprême. T'as mis les chaussures croco mais sans chaussettes, hein. DJ Kane, ouais, je suis le village. mixé par DJ K sur Skyrock. Serre-toi vite ou on va vite passer ton tour. Trace ta vie comme ton coiffeur des contours. Trace du vide, tire ton booty, ton frère tourne. Fais pas ta vilaine cousine, machallah tu y es perle. T'habilles pas en rouge, connais des taureaux dans l'arène. Cousin beau gosse, fais pas le bolos. Sois féroce, bolos, la petite race. Ton père c'est Rick Ross, né al chétan. Râle pas rien, arrête mon boucan. Air ton beau serre, sois le meilleur. Et qu'on fasse en personne, sois ton payeur. Le son il est swing, il est lourd pour les clubs. J'ai la dalle comme Wahid du comédie club. La fatah et ma madame, tu la kiffes. Comme sale pour le fiché, tu te sais. C'est pour passer inaperçu que tu t'es habillé comme ça. Abeltine et modeste, un adjit belnia. Retourne-toi, tous les yeux sont braqués sur toi, tous. Ça fait pareil, la même coupe, tous raca. C'est moi ou Ika, il ferme la clim, gros. DJ balance, tu connais moi que je me réchauffe, gros. La chicha n'est pas finie, comme les baraques de chez nous. Tilly, bienvenue à l'hôtel près de chez nous. J'aime pas, ton visage est comme le sumch. J'ai raté à l'OGB, ça vaut le coup que tu payes ton cube. marche. Et si on amende, ça me rend fou, frère. Nos femmes, elles sont belles, elles sont bio, frère. OGP featuring Mohamed Lemine. Scalpo, vite, je son belle vitamine. Suprême en direct sur Skyrock. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye dostlar mahvoldu. Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü bela yakalarsan. Let's go! Skyrock, Rail Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. M'andek ma tahtar, ya kulchi kifiki. Wakizine ma aftar, kulchi belagri. Yeah, That's why you tell me things about you. The reason why you lose, you got no. She step into my shoes and feel it. Hustle people, they gon' beat you. And try to leave you your dream. But we'll elevate you. So keep back, meditate the flat. Suprême le dimanche soir, c'est DJ Case au contrôle et DJ Case qu'on retrouve aussi un peu partout dans toute la France, dans le monde entier d'ailleurs. Oui, dans le monde entier. On a bien fini l'année et À Lyon, t'étais à Lyon toi. Ouais, j'étais à Lyon, ça s'est super bien passé. On a passé un jour de l'an magnifique d'ailleurs. On re-souhaite une très très bonne année à tout le monde. Et alors cette semaine où je suis le samedi 17, je suis au Vegas à Morbier dans le Jura. On va en profiter pour faire un peu de ski. Ah, tu skis toi. Je fais du snow. Ah, pardon, excuse-moi, snow, le mec est à un niveau. Un niveau supplémentaire. Non, c'est moins dangereux. Le vendredi 23, je suis au Blue Crystal, c'est à Paris, donc dans le 11e. Le samedi 24, au Miami, à Chartres. Voilà. Et bah pour retrouver DJ Case, sinon sur tes réseaux sociaux, on peut te suivre. Bien sûr, toujours sur la page fan Facebook. Ça clique. Donc c'est DJ espace KAYZ. Donc sur la page fan Facebook et Instagram et Twitter, DJ Case Paris. On suivra DJ Case et on est reparti dans un instant. On est reparti avec du très très lourd. Le son de Rail Suprême, c'est tout de suite. Are you ready? Let's go! Are you ready? Suprême en direct sur Skyrock. On est trop à souffrir, mais ma sœur, le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Je les vois, nos ennemis ne peuvent rien à part parler sur nous. On les a endurcis, promenade et numéro d'écrou. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut. J'ai lâché les études. thunes. Le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le rive. Qui peut me stopper, pas leur 22 longs rives. Tu t'es embourgeoisé, Roya, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe Lain. En bolide, 20 ans plus tard, j'aurai une baraque en Floride. Longue épopée, de la misère au succès. Jante noire, cuir noir, tu sais toujours qui c'est. Je suis resté le même, en première ou en écho. Appel d'Amido, ma cellule a besoin de déco. C'est Tony Montana, featuring Manny, Casa Fuini, Alger Taliani. Sa famille, c'est Didier Hamida, vous êtes bien sur Rail Suprême. Aïe aïe aïe. J'ai besoin d'air, couper mon fun et me barrer tout l'été. Pour moi, je veux voir mes visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour bête. J'pensais déconnecté, j'ai laissé ton pensée déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. J'pensais déconnecté, me mettrais sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac. Au bord d'une piscine, j'ferai la belle comme une bâtière. Ne m'appelle pas, j'suis pas là, là, là, là, là, là, là. J'désactive mes comptes, j'suis avec mes gars. J'suis sous le soleil et j'me balade. Ne m'appelle pas, j'suis pas là, là, là, là, là, là, là, là. J'désactive mes comptes, j'suis avec mon bras. J'suis sous le soleil et j'me balade. J'efface mon passé maudit. J'ai mis les bagages dans l'audit. J'vis sous le ciel gris de Paris. Mais j'veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc j'démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Donne toujours une petite pièce. J'débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, j'pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, j'réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, j'suis frais, j'me fais bronzer les plumes. Coupe, coupe, bon, il est bien, fais un bisou au fil. J'barge, j'ai blague. J'me suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là, là, là, là, là, là, là, là. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là, là, là, là, là, là, là, là. Je désactive mes comptes, je suis avec mon bras. Fais que sonner, désolé, je suis pas là. Hé hey gros, à mon tour, tu vas parler. Et toi, ma tête est malade. Et aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je me tire d'ici, j'ai kiffé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mon bras. Rail Suprême, c'est DJ Case, DJ Case. braque sur moi. Je veux être l'objet d'un effet attitif, faire désormais. Le tien me semble si mauvais. Skyrock.

minuit 1h, c'est Rai Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. J'ai vécu ce qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est comme quand les femmes font les mêmes trucs que nos ex. Il est dur d'avoir l'esprit sain. L'ambiance est malsaine. C'est le même délire partout. Et la même ambiance à Marseille. Certains sont gays, d'autres sont aigris. Laissons faire nos instincts vu que nos destins sont écrits. Sont peut-être près de toi, peut-être plus près que tu crois, peut-être plus traître que toi, ou peut-être frère, tra, tra, tu brilles dans la serrure, clac, clac, réveille en pleine nuit, crois pouvoir dormir tranquille qu'avec une arme sur mon lit, mauvais délire ou cauchemar, celui qui rentre de la guerre, que la foi nous accompagne, comme dans le ventre de nos mères, face aux amis devenus adversaires, qui visitaient mes trahis, aimés mes haïs, sommes-nous parano, pas assez naïfs. خلي الياد يقولوا حتى يهضروا وينلوا